De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 2. De l'origine de l'âme. La philosophie moderne s'est assez peu occupée, du moins jusqu'à ces derniers temps, de l'origine de l'âme, et n'a élevé sur ce sujet aucun système qui mérite de rester dans la mémoire des hommes, soit qu'absorbée par l'étude de l'âme telle qu'elle est de sa destinée future, elle n'ait pu avoir qu'un médiocre souci de son état antérieur, soit que placée, avec ses habitudes nouvelles de rigueur et d'exactitude en face d'un problème pour la solution duquel les données lui faisaient défaut, elle ait désespéré de le résoudre et les regarder comme surpassant l'esprit humain. Il n'en fut pas de même de la philosophie qui remplit de ses développements aussi riches que variés les premiers siècles de l'ère chrétienne. Plus jeune, plus inexpérimenté, plus facile à satisfaire sur les conditions de la croyance, elle se laissa emporter dans le cercle de ses audacieuses spéculations. D'un côté par le souffle puissant du platonisme qui venait de renaître sous un ciel plus ardent avec la prétention hautement avouée de dérober les secrets de Dieu même, de l'autre par les sombres légendes de la religion des mages, qui avaient pour centre commun la mystérieuse question du principe des choses. Je ne parle pas des récits bibliques où se déroule la grande épopée de la création des êtres, des anges de lumière luttant contre les esprits de ténèbres, de notre premier Père méconnaissant le commandement divin et puni de sa désobéissance jusque sur sa dernière postérité. Qui ne comprend quel ébranlement profond ces idées jetées tout à coup au milieu de la civilisation gréco-romaine durent imprimer aux esprits, sous quel jour nouveau elles durent faire envisager les problèmes psychologiques et en particulier celui de l'origine de l'âme? On se demandait avec une âpre curiosité comment, à quelle époque, cette substance avait été créée et pourquoi elle avait été emprisonnée dans une enveloppe mortelle. Tantôt on recueillait les réponses assez divergentes qui, parties des grandes écoles de la Grèce, se croisaient encore dans l'air, et on faisait naître, suivant l'expression de Tertullien, une hérésie d'une philosophie. Tantôt on s'inspirait de quelques textes choisis dans les livres saints, on l'interprétait avec une subtilité ingénieuse et on en dégageait une doctrine plus conforme en dogme révélé. C'est ainsi que les manichéens et les priscianistes ressuscitaient la croyance stoïcienne que les âmes sont formées de la propre substance de Dieu, c'est ainsi qu'Origène soutenait, avec les disciples de Pythagore et de Platon, qu'elles avaient vécu autrefois dans le ciel d'une vie plus heureuse, mais qu'ayant péché, elles avaient été précipitées, suivant la gravité de leur faute, dans telle ou telle partie du monde corporel, c'est ainsi que Tertullien, Apollinaire et la plupart des Occidentaux prétendaient qu'elles se transmettaient de père en fils par voie de génération, pendant que d'autres voulaient que Dieu créât chaque jour, pour animer les corps nouvellement conçus des âmes nouvelles. Cette dernière opinion était vivement défendue par deux correspondants d'Augustin, saint Jérôme et saint Optat, évêques d'Afrique. Nous allons voir quelle position prit dans ce débat le grand docteur. L'âme est-elle une partie de Dieu ? Est-elle consubstantielle à lui, comme le proclament également les manichéens et les priscianistes? Saint Augustin avait dû le croire durant les 9 ans qu'il professa les erreurs de Manès, mais écoutons l'argumentation vigoureuse qu'il dirigea contre cette doctrine. Une fois qu'il se fut converti à une philosophie plus élevée et à une religion plus pure. Dieu, dit-il, est un être immuable, incorruptible, et nulle faiblesse, nulle privation n'est compatible avec son essence. Si donc l'âme était une parcelle de la divinité, elle serait placée au-dessus de la sphère du changement, de la corruption, de la limitation, et le temps, qui transforme tous les êtres créés, n'aurait sur elle aucune prise. Aussi incapable de gagner que de perdre, de s'élever que de déchoir, elle posséderait en elle-même toutes les perfections dans une plénitude invariable et immobile. Des mœurs des Manichéens, livre 2 chapitre 11e. Or cet état n'est pas le sien, il suffit, pour nous en convaincre, de jeter les yeux sur la société qui nous environne ou de descendre par la pensée au fond de nous-mêmes. L'âme varie d'un homme à un autre. Elle juge mieux dans l'homme d'esprit que dans l'homme stupide, dans l'homme éclairé que dans l'homme sans instruction. Que dis-je ? Elle varie dans le même homme et ne reste pas un seul instant la même. Tantôt elle sait, tantôt elle ignore, tantôt elle se souvient, tantôt elle oublie, aujourd'hui elle veut, demain elle ne veut pas, elle oscille entre la folie et la sagesse, entre la crainte et le courage sans pouvoir se fixer nulle part. Prenez ce qu'il y a de plus excellent, de plus admirable dans notre nature, sa perfectibilité, vous y trouverez encore des marques de la mutabilité qui nous caractérise. Un homme fait des progrès, y a-t-il rien de plus beau, que s'ensuit-il cependant? Qu'il pense mieux après qu'avant? Or ce qui admet le plus et le moins est sans contredit changeant et muable. Cité de Dieu, livre, 8e, chapitre 6, sermon, 240, chapitre 2. Faire l'âme consubstantielle à Dieu, c'est transporter la mutabilité particulière aux créatures jusque dans le sein du Créateur. C'est offrir aux adorations des hommes un Dieu qui change et se corrompt, qui endure les misères de notre humanité et en subit les défaillances, un Dieu auquel tous les vols, toutes les impuretés, tous les adultères qui se commettent sur la terre doivent être renvoyés comme à leur véritable auteur. De la Genèse au sens littéral, livre, 7e chapitre 2. Des mœurs des Manichéens, livre 2 chapitre 11e, sermon, 182, chapitre 4. En vain ceux qui prétendent que l'âme est une parcelle de la divinité disent-ils que ces souillures et ces difformités morales que nous voyons dans les scélérats, que cette infirmité et cette faiblesse que nous apercevons dans tous les hommes ne proviennent pas d'elle, mais du corps. Qu'importe la source de la maladie, puisque, si l'âme était immuable, il n'y aurait pas pour elle de source de maladie possible. Car, dès qu'une chose est réellement immuable et incorruptible, rien de ce qui l'approche ne saurait la changer ni la corrompre. Une nature n'est pas immuable, quand de quelque manière, pour quelque cause et dans quelque partie d'elle-même que ce soit, elle est susceptible de changement. Or il n'est pas permis de concevoir Dieu autrement que comme doué d'une immutabilité réelle et souveraine. Donc l'âme n'est pas une partie de Dieu. Lettre 166, chapitre 2. Il est difficile, on en conviendra, de pousser plus vivement ses adversaires et de leur fermer plus complètement toutes les issues. En principe, Augustin a évidemment raison contre l'opinion qu'il combat, et ses arguments seraient encore valables aujourd'hui contre les systèmes qui sont entachés de panthéisme et qui admettent l'émanation d'une manière ou d'une autre, mais, en fait, est-il suffisamment fondé à attribuer une telle opinion aux disciples de Manès? Un écrivain du siècle dernier, Boisebra, a soutenu que la doctrine qu'attaque Saint-Augustin n'était pas la véritable doctrine des Manichéens, et que le champion du catholicisme leur prenne gratuitement des idées qui n'étaient pas les leurs, afin de les mettre en contradiction avec eux-mêmes et de les battre plus facilement. Quand on voit qu'au rapport de Fortunate et de Félix, adversaires de saint Augustin, et au rapport de saint Augustin lui-même, les manichéens rangeaient parmi leurs dogmes celui de l'incorruptibilité divine, et ne voulaient pas que Dieu eût tiré de lui-même quelque chose de corruptible, on a, en effet, quelque peine à se persuader qu'ils regardassent l'âme comme une partie de Dieu, et qu'ils ne sentissent pas qu'entre cette opinion et la précédente il y avait une incompatibilité radicale. Mais, d'un autre côté, on a bien plus de peine à croire avec Beausobre que saint Augustin, qui avait passé 9 ans dans la secte des manichéens, et pu se tromper sur leur doctrine au point de leur faire dire que l'âme est une partie de Dieu, si telle n'était pas leur véritable opinion. Dans ce cas, comment comprendre que les adversaires d'Augustin, au lieu de protester contre l'idée de la corruptibilité de Dieu qu'il leur fait envisager comme la conséquence nécessaire de leur principe sur l'origine de l'âme, n'eussent pas nié nettement ces principes mêmes et déclaré qu'ils n'avaient rien de commun avec le manichéisme? Si l'âme n'a pas été tirée de la substance divine, a-t-elle été tirée d'une substance corporelle? Augustin discute aussi, mais plus brièvement, cette seconde hypothèse, sur laquelle il aura occasion de revenir à propos de la spiritualité de l'âme. L'âme étant simple et indivisible de sa nature ne saurait avoir son principe dans le corps, de la grandeur de l'âme chapitre 1er. Elle n'a été formée ni par la réunion des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, ni par la réunion de quelques-uns d'entre eux seulement, car tout ce qui peut être réuni peut être séparé, et rien de ce qui est composé n'est indécomposable. De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 12 3. Elle n'a pas non plus un seul élément pour principe, l'air ou le feu, par exemple, qui sont des corps plus subtils que les autres, car l'air et le feu ont beau être subtils, ils sont pourtant des corps. Or que tout corps puisse être changé en tout autre, il s'est rencontré des gens pour le prétendre, mais qu'un corps soit susceptible d'être converti en une âme, c'est ce que personne n'a encore osé soutenir. De la grandeur de l'âme, chapitre 1er. De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 12. L'âme de l'homme n'a donc été formée ni de la substance divine ni d'une substance corporelle, c'est dire qu'elle n'a été faite de rien, et que Dieu l'a produite par un simple acte de sa volonté toute puissante. De l'âme et de son origine, livre 1er chapitre 4. Pour saint Augustin, la question de l'origine de l'âme n'est qu'un point de vue particulier de la question plus générale de l'origine des choses, et il résout également ces deux questions par le principe de la création ex nihilo. Il reste à savoir quand l'âme a été produite, si c'est dans le temps, comme on le croit d'ordinaire, ou si c'est dans l'éternité, comme certains platoniciens, entre autres Porphyre, ont essayé de l'établir. L'unique raison que ces philosophes allèguent en faveur de l'éternité de l'âme, c'est que ce qui n'aura pas de fin ne peut pas avoir eu de commencement. Augustin les combat en leur opposant l'autorité de Platon et en leur montrant qu'ils sont infidèles à la doctrine de ce maître respecté, lorsqu'il décrit dans le Timée, dialogue dogmatique, le monde et les dieux subalternes qui sont l'œuvre de Dieu, ce grand homme déclare formellement que ces dieux ont commencé, mais qu'ils ne périront point, et que la volonté du Créateur les fera subsister à jamais. Pour lever cette difficulté, les platoniciens ont recours à une distinction curieuse. Il ne s'agit pas ici, suivant eux, d'un commencement de temps, mais d'un commencement de cause. Imaginez un pied posé de toute éternité sur la poussière, l'empreinte qu'il tracerait serait faite par lui, et serait cependant éternelle comme lui. Il en est de même, disent-ils, du monde et des dieux créés relativement au Dieu suprême, ils sont les éternels effets de cette cause éternelle. Augustin ne se paie point de cette distinction, et, après avoir essayé de mettre les platoniciens en contradiction avec Platon, il cherche à les mettre en contradiction avec eux-mêmes. Seulement son argumentation ne paraîtra peut-être pas très rigoureuse, car il passe d'un genre à un autre et conclut des accidents à la substance. N'admet-il pas, dit-il, qu'au terme de cette vie misérable l'homme jouira d'une béatitude sans fin? Or cette béatitude aura commencé. Comment donc peuvent-ils prétendre que ce qui n'a point de fin ne saurait avoir eu de commencement? Cité de Dieu livre 10 chapitre 31, sermon 241, chapitre 8. De la théorie de Porphyre sur l'origine de l'âme, il n'y a qu'un pas à une quatrième théorie qui est protégée par le grand nom d'Origène et qu'Augustin expose et discute à peu près de la manière suivante. Les âmes ont-elles joui dans le ciel d'une existence antérieure à celle-ci, et l'ont-elles perdue en s'éloignant de Dieu par le péché? Cet éloignement les a-t-il conduites jusqu'à la terre qu'elles habitent aujourd'hui, et ont-elles été enfermées, en expiation de leurs crimes, dans les corps qui leur servent de demeure comme dans autant de prisons, les plus coupables dans des corps plus pesants, les moins coupables dans des corps plus légers? Augustin répugne à le croire. S'il en était ainsi, Dieu, en produisant ce système de corps qu'on appelle le monde, aurait été ému, non par le désir de faire des choses bonnes, mais par celui d'en réprimer de mauvaises, et il faudrait chercher la raison d'être de la création dans sa justice sévère plutôt que dans sa bonté ineffable. Combien l'Écriture parle plus dignement du Créateur, quand elle nous le montre contemplant dans un ravissement divin la réalisation de sa pensée éternelle, et déclarant que chacun de ses ouvrages est bon. Qu'est-ce à dire, sinon que le monde est sorti admirable de beauté des mains de l'auteur des choses, et que le péché du premier homme en a seul altéré la sublime ordonnance? Encore cette altération n'est-elle pas tellement profonde que le bien ne l'emporte de beaucoup sur le mal dans l'univers, et que la souveraine sagesse ne puisse convertir ce mal lui-même en bien et le faire tourner, comme les ombres dans un tableau, à la beauté de l'ensemble? En outre, si les corps les plus pesants sont échus, comme le prétend Origène, aux esprits les plus pervers, et les corps les plus légers aux esprits les moins coupables, comment se fait-il que les démons aient des corps aériens, et que l'homme, dont la corruption est bien moindre, que l'homme, même avant son péché, ait été emprisonné dans un corps terrestre? En troisième lieu, un système n'est-il pas jugé quand l'auteur est amené par ses principes à soutenir que s'il n'y a qu'un seul soleil dans le monde, cela vient, non de ce que le suprême artiste, de ce que le père des êtres a trouvé cette combinaison plus favorable que tout autre à la beauté et à l'utilité de l'univers, mais de ce qu'une âme a mérité par ses péchés d'être enfermée dans ce globe de feu? À ce compte il faudrait dire que, si plusieurs âmes s'étaient rendues coupables des mêmes fautes, Dieu y aurait lancé deux, trois, que dis-je, Sans soleil dans les espaces du firmament. Ajoutons, dit Augustin, qu'à cette doctrine se rattache la croyance, non seulement que l'âme a traversé un cercle indéfini d'existence antérieure pour arriver à son état actuel, mais encore qu'elle reprendra, après un certain nombre de siècles, le fardeau de ce corps corruptible. Or n'est-ce pas là une opinion tout à fait insoutenable? Si nous l'admettons, il n'est pas un seul juste dont l'avenir doive nous laisser sans inquiétude, car il n'en est pas un seul qui ne soit exposé à être précipité du sein du bonheur dans un abîme de misère. Si, en effet, l'âme a péché avant d'entrer dans le corps, qui nous assure qu'elle ne péchera pas après en être sortie? Cité de Dieu, livre 11, chapitre 23. Quelque disposés que nous soyons, en notre qualité d'historien et de commentateur, à donner raison à notre auteur contre tous les autres, nous avouons ingénument que les arguments de saint Augustin contre Origène ne nous paraissent pas tous également démonstratifs. Nous l'approuvons fort quand il relève dans Origène quelques-unes de ces singularités qu'on trouve chez tous les inventeurs de systèmes, chez tous les esprits vraiment créateurs, et qui semblent l'accompagnement obligé de leur conception puissante. Ce soleil qui a été formé tout exprès pour servir de prison à une âme déchuée qui sert accessoirement de flambeau à la terre. Ces créatures qui ont un poids proportionnel à leur malice et qu'on peut par conséquent apprécier avec la dernière exactitude en les mettant dans une balance. Ce sont là de menus détails que nous abandonnons à saint Augustin et contre lesquels il peut aiguiser les traits de sa verve moqueuse. Mais, quand il prétend que la création est sortie pleine de beauté des mains de Dieu, et qu'il a été porté à faire des choses bonnes par sa souveraine bonté, il ne dit rien qu'Origène n'ait dit lui-même, car, s'il est une proposition qui revient souvent sous la plume de cet illustre écrivain, c'est que les créatures étaient, dans le principe, douées de toutes les perfections. Quand Augustin ajoute que c'est le péché seul qui a porté le trouble au sein de ces natures merveilleuses, il abonde encore dans le sens d'Origène. Il place sur cette terre et attribue au premier homme une faute qu'Origène fait remonter jusqu'au ciel et rapporte aux êtres angéliques, mais dans un cas comme dans l'autre. C'est toujours par un abus de la liberté de la part des créatures raisonnables que le mal a fait invasion dans le monde. Quant à la disposition de Dieu à convertir ce mal en bien, Origène songe si peu à la nier, que sa philosophie tout entière n'est pas autre chose que la théorie des moyens employés par la suprême sagesse pour relever tous les êtres mauvais de leur déchéance et les faire remonter jusqu'au principe du bien. Qu'il ait admis une série d'existences, les unes antérieures, les autres postérieures à celles-ci, à travers lesquelles l'homme s'élève ou s'abaisse tour à tour, suivant qu'il use bien ou mal de son libre arbitre, c'est un point incontestable, mais que cette doctrine, couronnée d'ailleurs par la croyance au retour de tous les êtres, sans en excepter les réprouvés et le diable lui-même, dans le sein d'un Dieu juste et clément, soit plus effrayante que celle du petit nombre des élus et de l'éternité des peines, c'est ce qu'Augustin a tort de prétendre. La doctrine d'Origène n'est pas orthodoxe, il faut bien en convenir, mais ce n'est pas une raison pour l'accuser d'être cruel et épouvantable. Si Augustin rejette d'une manière absolue, et en s'appuyant sur des raisons plus ou moins solides, les quatre théories que nous venons d'exposer, il en est quatre autres entre lesquelles il hésite à faire un choix. Les deux premières ne sont, comme l'opinion des platoniciens et celle d'Origène, que des variétés de la doctrine de la préexistence. Dieu a-t-il créé simultanément toutes les âmes à l'époque de la création de l'univers, et les tient-il en réserve dans quelque asile mystérieux d'où il les tire successivement, pour les envoyer dans nos corps au moment de notre naissance, avec la mission de réhabiliter cette chair maudite en la soumettant aux lois éternelles de l'ordre? Cette première hypothèse a, aux yeux d'Augustin, l'avantage de se concilier parfaitement avec le texte sacré qui déclare que Dieu, après avoir créé l'univers en un laps de temps déterminé, a suspendu son activité ineffable pour rentrer dans son repos. Cependant, elle peut donner lieu à de graves objections. La première, c'est que Dieu, ayant envoyé lui-même l'âme dans le corps, il est responsable de l'ignorance et de l'infirmité qui résultent pour elle de ce nouvel état. La seconde, c'est que l'âme ayant obéi en entrant dans le corps à un ordre divin, a fait ainsi acte de justice, et que l'on ne peut pas dire dès lors qu'elle n'a ni mérité ni démérité avant de naître. En songeant à cet acte, dont le caractère libre et méritoire est pourtant assez équivoque, Augustin hésite à admettre une théorie semblable. Il s'arrête sur une pente qui lui paraît dangereuse et craint de se laisser glisser dans l'origenisme. Du libre arbitre, livre 3 chapitre 20, lettre 166, chapitre 3 de la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 25. La seconde hypothèse, tout en offrant les mêmes avantages que la première au point de vue théologique, n'est point sujette aux mêmes inconvénients. D'après cette théorie, l'âme, créée depuis l'origine du monde, céderait en s'incarnant à un penchant naturel et prendrait spontanément le corps pour demeure. Dans ce cas, les misères de la condition terrestre ne seraient point imputables à la divinité et l'âme n'aurait point mérité avant de naître, puisqu'elle n'aurait point eu à obéir. D'ailleurs, quoi de plus raisonnable que d'admettre que l'âme cède, en entrant dans le corps, à un penchant naturel, comme elle fait en y restant? Ces deux penchants ne seraient ainsi que deux formes différentes d'un même sentiment, qui est l'amour de la vie. De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 27. Voilà certainement une hypothèse ingénieuse et qui semble s'accorder à merveille avec les principes de la raison et les lois de la nature. Ne paraît-il pas, en effet, plus conforme à la sagesse divine et à ses procédés ordinaires au sein de l'univers, d'avoir créé à la fois tous les corps et toutes les âmes, que d'avoir produit d'abord tous les corps et de produire ensuite les âmes les unes après les autres, à peu près comme un ouvrier qui, au lieu de construire et de monter une fois pour toutes une machine, reviendrait à chaque instant sur son œuvre et y ferait mille additions successives. Cependant, cette espèce de préexistence, où couve une vie sourde, confuse, endormie, et dont un mouvement instinctif, inconscient, involontaire, doit marquer le réveil, paraît encore à Augustin trop analogue à la préexistence telle que l'avait conçue Origène, et avant lui les philosophes grecs. C'est pourquoi il passe à une troisième hypothèse, qui est celle de la création successive des âmes. Quelque plausible que cette hypothèse paraisse au premier abord, elle prête, comme les autres, le flanc aux objections et Augustin ne les lui épargne pas. Comment attribuer, dit-il, aux âmes des enfants le péché originel, si elles ne tirent pas leur origine d'Adam qui l'a commis et si elles n'ont reçu de notre premier père que leur enveloppe corporelle? Que répondre à Pélage, quand il dit, Si nous n'avons pas reçu par voie de génération l'âme qui nous vivifie, mais seulement cette chair pécheresse, notre chair seule mérite d'être punie. Car il est injuste qu'une âme née aujourd'hui, et qui n'a rien de commun avec Adam, porte la peine d'une faute si ancienne. On ne saurait accorder que Dieu, qui nous remet nos propres péchés, nous impute le péché d'autrui. Lettre 190, chapitre 6. Que dire de l'extrême diversité intellectuelle qu'on remarque entre les enfants, et de la stupidité dans laquelle quelques-uns sont plongés? Car il est des enfants si épais et si lourds, qu'ils ne peuvent apprendre les choses les plus simples, et qu'ils ressemblent plus à des bêtes qu'à des hommes. Comment osera-t-on prétendre que des âmes récemment sorties des mains de Dieu soient dans un état si grossier? On répondra peut-être que c'est le corps qui est cause de leur abrutissement, et que c'est de lui que vient tout le mal, mais, dit spirituellement saint Augustin, l'âme a-t-elle donc choisi son corps, et a-t-elle fait par mégarde un mauvais choix? Ou bien, forcée d'entrer dans un corps, parce qu'elle était forcée de vivre, et une nuit d'âme l'ayant gagnée de vitesse et ayant accaparé les corps les meilleurs, n'en a-t-elle point trouvé d'autre qui fût disponible? A-t-elle fait pour le corps comme on fait pour une place au spectacle? A-t-elle pris, non pas celui qu'elle a voulu, mais celui qu'elle a pu? Lettre 166, chapitre 6. Peut-on admettre une théorie qui donne lieu à des difficultés aussi graves et qu'on ne réussit pas mieux à lever? La dernière hypothèse que développe saint Augustin se distingue de la précédente, en ce qu'elle n'attribue à Dieu que la création des âmes du premier couple humain, et qu'elle fait sortir toutes les autres âmes de celles d'Adam par voie de génération ou de transmission. La facilité avec laquelle cette hypothèse semble se concilier avec le dogme de la chute lui vaut, sinon la préférence, ce serait trop dire, au moins la faveur de saint Augustin. De la Genèse au sens littéral, livre 10 chapitre 23. S'il n'y a que deux âmes qui aient été créées par Dieu, et si toutes les autres dérivent de celles d'Adam par voie de génération, la transmission de la tâche originelle s'explique parfaitement, et sans que la justice divine reçoive aucune atteinte. L'âme de notre premier père s'étant, par un acte de sa libre volonté, frappée de déchéance, les âmes qu'elle a engendrées ont dû naître tout naturellement dans l'état de dégradation où elle était elle-même. Du libre arbitre, livre 3 chapitre 20. Cependant saint Augustin n'ignore pas les objections qui s'élèvent contre cette théorie, il est même le premier à les faire connaître avec une candeur vraiment philosophique. Ces objections sont trop caractéristiques au double point de vue de la science et de l'histoire, pour qu'on ne nous permette pas de les citer malgré les détails physiologiques qu'elles renferment. La psychologie aurait mauvaise grâce à affecter plus de pruderie que la physiologie sa sœur, et que la théologie elle-même. Quel entendement humain, écrit saint Augustin à saint Optat, pourrait concevoir que, de même qu'un flambeau s'allume à un autre flambeau, et que la flamme de l'un jaillisse sans nuire à celle de l'autre, l'enfant reçoive par une sorte de production ou de transmission, n'importe, une âme de l'âme de son père? Y a-t-il donc dans l'âme une semence incorporelle qui, par des conduits mystérieux et invisibles, passe secrètement du père dans la mère au moment de la conception, ou, chose plus incroyable, la semence de l'âme est-elle cachée dans celle du corps? Lettre 190, chapitre 4. Quand celle-ci périt inutile, en est-il de même de l'autre? Mais alors comment l'âme, Née d'une substance mortelle, peut-elle avoir en partage l'immortalité? Que ces difficultés, dit Augustin, n'aient pas arrêté un matérialiste et un rêveur comme Tertullien, qui va jusqu'à regarder Dieu lui-même comme un corps, il ne faut pas s'en étonner, mais elles sont bien faites pour inspirer quelques hésitations à ceux qui se piquent d'un spiritualisme sévère. Quelle est donc, en définitive, l'opinion d'Augustin sur l'origine et l'incarnation de l'âme? Il n'en a pas. Dans son traité du libre arbitre, dans ses lettres au tribun Marcellin, à Saint Jérôme, à Saint Optat, dans son livre sur l'âme et son origine, dans son commentaire sur la Genèse, dans ses rétractations, dans tous les ouvrages, enfin, où il s'est occupé de cette question, à des époques fort différentes de sa longue carrière, il fait noblement et sans faux son l'aveu de son ignorance. Quand, dit-il, on soulève ces questions et beaucoup d'autres semblables qu'aucun de nos sens ne peut sonder, qui sont inaccessibles à notre expérience et profondément cachées dans les abîmes de la nature, un homme ne doit pas rougir d'avouer qu'il ignore ce qu'il ignore réellement, en faisant semblant de le savoir, il mériterait peut-être de ne le savoir jamais. Lettre 190 chapitre 5. Mais, s'il ne sait pas positivement ce qu'il faut penser de l'origine de l'âme, il sait, au moins jusqu'à un certain point, ce qu'il ne faut pas en penser, de sorte qu'il arrive, en déterminant quelques-unes des erreurs dans lesquelles on peut tomber en pareille matière, à circonscrire et à limiter le champ dans lequel la vérité se trouve. Il condamne formellement les quatre premières opinions que nous avons exposées et n'hésite qu'entre les quatre dernières. On a même prétendu récemment que sur ces quatre opinions Saint Augustin aurait fini par en rejeter deux, à cause de leur parenté avec la doctrine d'Origène. Il n'est pas vrai, dit Henri Martin, auteur de La Vie Future, que Saint Augustin, à l'époque où il écrivait sa lettre à Saint Jérôme, c'est-à-dire 15 ans avant sa mort, hésita encore entre ces quatre hypothèses. Dans cette lettre, Saint Augustin ne discute plus que deux opinions et laisse de côté les deux autres. La vérité est que Saint Augustin n'en discute guère qu'une seule, celle de la création successive des âmes. Pourquoi ? Parce que c'était celle de Saint Jérôme, et qu'il voulait l'amener à l'appuyer sur des raisons plus solides. Mais cette marche, qui lui était indiqué par le but qu'il se proposait en écrivant sa lettre, n'implique pas le rejet des opinions sur lesquelles il glisse plus légèrement. Je lis d'ailleurs dans cette même lettre à Saint Jérôme, à la suite d'un rapide exposé de ces quatre hypothèses et de la doctrine manichéenne de l'émanation des âmes, laissant de côté cette opinion erronée et hérétique, Lettre 166. Je désire savoir laquelle des quatre autres doit être suivie de préférence. S'il laissait de côté deux de ces quatre opinions, il le dirait, comme il le fait pour l'opinion manichéenne. S'il ne balançait qu'entre deux opinions, il n'en citerait pas quatre entre lesquelles il hésite à se prononcer. On voit ce qu'il y a de modeste et en quelque sorte de négatif dans les conclusions de Saint Augustin touchant l'origine de l'âme. Cependant, nous ne craignons pas de le dire, il a déployé dans la discussion de cette question des qualités qui lui font honneur comme philosophe et comme théologien. Dans un temps où le besoin d'affirmer n'avait pas de bornes, où les plus folles croyances trouvaient des sectateurs et des martyrs, où l'esprit d'examen était perdu et comme noyé dans l'immense débordement du mysticisme oriental, Il fallait avoir une intelligence bien trempée et véritablement philosophique pour s'abstenir de juger de ce qu'on ne savait pas et pour douter en matière douteuse. Avec quelle puissance de dialectique il presse les manichéens, et comme il leur fait voir, à la lumière de la vraie et pure conception de Dieu, que notre être imparfait et changeant n'est point une partie de cet être auguste et immuable, et que la substance divine ne saurait déchoir de sa majesté souveraine jusqu'aux misères de notre humanité. Avec quel vif sentiment du dogme chrétien et de ses exigences impérieuses il s'est résisté à ses sympathies involontaires pour le platonisme rajeuni des Plotins et des Porphyres, et y faire le départ du vrai et du faux. Et quand il rencontre sur son chemin cette grande construction élevée par l'esprit systématique d'Origène, où l'explication de l'âme n'est qu'un fragment de l'explication universelle des choses, avec quelle vigueur il s'efforce de la renverser en opposant à cette audacieuse conception de la vie une conception qui lui paraît plus rationnelle et plus conforme aux attributs divins. Il n'y a pas jusqu'à sa double polémique contre Tertullien et Saint Jérôme, où il ne répand d'une abondance d'aperçus quelquefois singuliers, mais toujours ingénieux, qui révèle une pensée remarquablement féconde et active. Sans doute on trouvera, en se plaçant au point de vue ecclésiastique, qu'Augustin n'a pas été aussi heureux sur cette question que sur beaucoup d'autres. Il n'a pas devancé cette fois par ses libres explications les décisions immuables de l'Église, et n'a pas fait de sa pensée personnelle la pensée de la chrétienté tout entière. Ce n'est pas lui, c'est saint Thomas, ce sont les conciles qui ont établi, à peu près comme un article de foi, qu'entre la simplicité et la génération des âmes il y a une incompatibilité radicale, absolue, car une âme, disent-ils, ne peut en engendrer une autre qu'à la condition de la tirer d'elle-même, et elle ne peut la tirer d'elle-même qu'à la condition d'être composée et divisible. Dire, en effet, qu'elle la produit sans la tirer de sa substance propre, c'est sortir de l'idée de génération pour entrer dans celle de création et attribuer à l'âme une puissance que Dieu s'est réservée à lui seul comme son apanage inaliénable. Mais à une époque où ces arguments en faveur de la création successive des âmes et contre leur génération n'avaient point encore été développés dans toute leur force, saint Augustin pouvait-il faire autre chose que ce qu'il a fait? Au lieu de se renfermer dans une prudente réserve à l'égard des théories contraires qui se disputaient l'empire des esprits, devait-il, comme saint Jérôme, s'attacher ardemment à l'une ou à l'autre au risque de s'attacher à une erreur? De celui qui laisse mûrir les questions et n'essaie de les résoudre que quand il a des données suffisantes, et de celui qui entende prématurément la solution. Sa tentative fut-elle d'ailleurs couronnée de succès? Quel est le véritable sage? Quant à nous, nous avouons qu'entre l'ardent solitaire qui se prononce sans balancer sur un sujet aussi obscur que celui de l'origine de l'âme, condamnant sans ménagement aucun, avec un dogmatisme superbe ceux qui ne pensent pas comme lui, et l'évêque philosophe qui, se souvenant, non sans à propos, des leçons de l'Académie, sait suspendre son jugement entre des doctrines dont il voit nettement le fort et le faible, nos préférences ne sauraient hésiter un instant, et que c'est au dernier qu'elles sont acquises. Markham Dan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.